La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. On les appelle les platistes, ce sont des hommes et des femmes qui remettent en cause l'idée selon laquelle la Terre est ronde et qui sont prêts à faire de nombreux kilomètres pour aller le vérifier. Et aujourd'hui encore au XXIe siècle, et malgré tous les clichés disponibles de notre planète, malgré la science, eh bien des homo sapiens s'imaginent que la Terre est plate. De quoi désespérer tous les scientifiques du monde, et l'astrophysicien Alain Riazuelo a décidé dans un petit ouvrage très clair de raconter l'aventure scientifique qui a permis de déterminer avec certitude que la Terre est bien ronde. Il est mon invité dans un instant et vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions dès maintenant sur notre site franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une de la science, la pollution dans l'Antiquité. Oui, c'est en cherchant dans les plus vieilles glaces des Alpes qu'une équipe de chercheurs vient de découvrir une pollution importante au plomb et à l'antimoine pendant l'Empire romain. On parle Saturnisme et crétinisme dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, le rendez-vous science grand format de France 5 qui sera consacré ce soir à la pyramide Khéops. Nathalie Poitevin réalise cette émission préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Alain Riazuelo. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes astrophysicien au CNRS en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous publiez « Pourquoi la Terre est ronde » aux éditions Humaine Science dans la collection « Comment a-t-on su ?» parrainée par Étienne Klein. Et vous avez donc pris le prétexte des platistes qui croient que la Terre est plate pour revenir sur une vraie saga scientifique, celle qui a permis de définir que la Terre est bien ronde et pas le contraire. Voilà, un des plus anciens résultats scientifiques connus, en tout cas une des plus anciennes démonstrations mathématiques qui décrit le monde. Ouais. Et qui est un des fondements de la science telle qu'on la connaît 25 siècles plus tard. Ouais. Quels sont les arguments des platistes? Vous les avez étudiés de près pour comprendre un petit peu leur théorie? Précisons qu'en France, on n'a pas ce genre d'individus. Ils sont très américains. Voilà, pour l'instant, ils sont très américains. Enfin, on ne sait jamais. Ils vont peut-être réussir à traverser l'Atlantique. Alors, il y a deux catégories, en fait, un peu disjointes, dont on n'imagine pas qu'elles aient un intérêt commun. Il y a les crypto-complotistes du XXIe siècle qui disent que les seules preuves que la Terre est ronde, c'est les images de la Terre vues de l'espace, que les seules images de la Terre vues de l'espace, c'est la NASA. Et que la NASA... C'est du Photoshop, voilà. C'est des fakes. Ouais. Voilà. Et puis, complètement à l'opposé, on a des fondamentalistes chrétiens qui militent pour une lecture littérale de la Bible, qui dit, paraît-il, que la Terre est plate. Ouais. Et donc, voilà. Mais quand on est scientifique, on est amusé ou carrément énervé de lire ça? On est triste. Ouais. On est triste parce que... Ça vous agace pas quand même? C'est consternant quand même, non? Oui, c'est consternant, mais il faut pas désespérer non plus de l'espèce humaine. Ça prouve qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore bien à faire passer. Ouais. Que finalement... Donc ça, c'est une remise en cause même de la science. Oui, alors elle a toujours un intérêt. Hein. Par exemple, les gens qui, les fondamentalistes chrétiens qui disent que la Terre est plate, ils nient l'existence du réchauffement climatique, puisque si la Terre est plate parce que Dieu l'a voulu, Dieu ne saurait avoir permis à l'homme de s'autodétruire. Donc il y a toujours un intérêt qu'on n'imagine pas forcément quand on voit des affirmations farfelues, mais comme la science décrit des faits, quand les faits ne vous arrangent pas, vous faites en sorte que personne ne le sache. Bon, vous avez quitté un instant vos trous noirs pour revenir sur Terre et nous raconter cette grande saga vieille de plus de 2000 ans, et on va y revenir avec vous dans un instant. Pourquoi la Terre est ronde? Alain Riazuelo, notre invité, et il répond à toutes vos questions sur franceinter.fr. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tout. Il y a un faucon maintenant ? Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Le grand empire romain s'est-il effondré à cause du saturnisme? Question posée aujourd'hui à la une de la science pour évoquer la pollution antique, Axel. Oui Mathieu, et tout cela grâce à des carottages effectués dans les Alpes. En analysant des glaces au col de Dom, une équipe de chercheurs montre aujourd'hui que pendant l'essor romain, il y a 2000 ans, l'Europe a connu une forte pollution atmosphérique au plomb et à l'antimoine, des niveaux comparables aux pollutions dues à l'essence plombée dans les années 70 du début du siècle. On discute de ces travaux avec celui qui les a coordonnés, Michel Legrand. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai coordonné avec ma collègue Suzanne, oui, effectivement. Vous êtes avec nous en direct des locaux de France Bleu Isère à Grenoble. Vous êtes chimiste de l'environnement et directeur de recherche pour le CNRS. C'est la première fois qu'on a la confirmation que les Romains avaient un problème avec le plomb, parce que quand on découvre des canalisations, on aurait pu s'en douter depuis un moment, non ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a très longtemps qu'on sait que les activités des Romains durant la République et l'Empire ont certainement émis une quantité importante de plomb dans l'atmosphère. Ça, on le sait depuis très longtemps. On le sait d'une part par des archives qui ont été étudiées avec la glace du Groenland. Mais le Groenland, c'est quand même très loin de la zone d'émission des Romains, hein, qui est quand même essentiellement située en Espagne, en France, de manière un peu plus large, on va dire, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Angleterre et de la Grèce jusqu'à la Bretagne. Donc c'est un peu loin pour évaluer le degré de pollution qu'a subi l'Europe à cette époque-là. Ouais. Et à l'inverse, on a des archives qui sont beaucoup plus locales, comme les tourbières, qui ont leur intérêt en soi, mais qui ne permettent pas d'avoir une vision globale au niveau de l'Europe. Donc l'idée ici, c'était de tenter d'utiliser la glace au sommet du Mont Blanc, donc au-dessus de 4000 mètres d'altitude, qui permet d'avoir un certain recul sur l'Europe. Mais la question qui était d'abord posée, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce que la glace du fond du glacier, la plus ancienne, est-ce qu'elle couvrait la période romaine ? Et là les taux de plomb là, dont on parle, les taux de plomb et d'antimoine que vous avez trouvés dans ces glaces, est-ce qu'ils permettent d'imaginer le taux de contamination ou l'état de contamination de l'Europe à l'époque romaine ? On peut vraiment faire un lien entre les deux ? Ah oui, comme c'est finalement la glace, c'est une précipitation hein, qui a été archivée ici, on peut directement faire un lien entre la teneur en plomb et en antimoine de la glace et celui de l'atmosphère. Ça, c'est des choses qu'on sait relativement bien faire. Ça, il n'y a aucun problème. Et on peut aller jusqu'à donner des pronostics sur les populations ? Alors, ça, c'est une question plus complexe. En fait, on cherche à avoir une espèce de référence par rapport à des études toxicologiques qui ont été effectuées, mais de manière beaucoup plus récente, bien évidemment. Ouais. Par exemple, pendant les épisodes de pollution liés à l'utilisation de l'essence au plomb par les voitures. Ouais. Donc là, on sait que les niveaux étaient plus forts qu'à l'époque des Romains, d'après la glace du Mont Blanc. Bon, ceci dit, le facteur de différence n'est jamais que d'un facteur 5 à 10, qui n'est pas en fait énorme quand on y réfléchit bien, parce que d'une part, l'exposition des populations à la pollution au plomb dans les années 60 à 1900, de 1960 à 1985, c'est une période de 25 ans, 30 ans, c'est faible finalement par rapport au temps d'exposition par les émissions, par l'extraction du minerai de plomb, les fonderies au plomb de la République et de l'Empire romain qui ont perduré pratiquement pendant deux siècles. Donc les concentrations, les niveaux sont plus faibles, mais la période est beaucoup plus longue. Est-ce qu'on sait géographiquement où se trouvaient les zones polluées, les mines, pour faire des recoupements ? Alors les historiens savent des choses. Ils ont beaucoup utilisé les enregistrements au Groenland pour avoir des dates d'apparition de telle ou telle période importante. On sait, d'après la synthèse de tous ces éléments d'information, on sait que l'essentiel des mines, il y a beaucoup de mines dans le sud-ouest de l'Espagne et le massif central et le sud du massif central. Les mines en Angleterre, en Allemagne, en Grèce ou en Afrique du Nord étaient beaucoup plus beaucoup mieux répartis à travers le territoire. Je crois qu'il y avait aussi, de mémoire, une forte concentration en Sardaigne. Alors, en définitive, est-ce que vraiment cette hypothèse qui est retenue par certains historiens que l'effondrement de l'Empire romain serait dû au saturnisme, est-ce qu'on peut la retenir avec votre étude ou est-ce qu'on l'écarte plutôt, Michel Legrand ? Alors ça, c'est une question qui n'est pas facile. D'abord, c'est encore un débat. Hein. Donc effectivement, on a parlé d'abord du saturnisme. Et l'idée, c'était que l'utilisation du plomb pour les canalisations d'eau durant l'Antiquité romaine amenait à assimiler des quantités de plomb qui sont suffisantes pour provoquer le saturnisme. Bon, en fait, Les différentes hypothèses actuelles, c'est le plomb, l'antimoine, qui est un produit qui est quand même toxique. Il y a une étude qui date d'il y a un an, qui est parue dans un journal de toxicologie, donc je ne vais pas aller à l'encontre de ça, qui montre que finalement, dans une canalisation d'eau de Pompéi, qui date de 80 de notre ère, la dose d'antimoine qu'ils ont trouvée et à comparer à la dose de plomb, finalement, c'est la dose d'antimoine qui est la plus toxique. Donc, il y a une possibilité que l'antimoine ait contribué à, disons, perturber l'homme à cette époque-là. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a eu des épidémies de peste, il y a eu des invasions barbares à la fin de l'Empire romain. Donc, c'est certainement un mélange de beaucoup de choses. Alors, pour parler d'une pollution un peu plus récente, il y a quand même une petite surprise dans vos travaux que vous avez publié à part, hein. C'est l'essor du moteur thermique il y a 50 ans et ses émissions de polluants, notamment l'ozone, qui n'a pas eu que des effets néfastes pour l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, alors c'est effectivement assez amusant parce qu'en fait l'origine est la même, c'est-à-dire la combustion, les moteurs à combustion, donc qui fonctionnent à l'essence au plomb ou sans plomb, peu importe, ils vont toujours émettre des oxydes d'azote et des hydrocarbures. Et ce cocktail, lorsqu'il est exposé à la radiation solaire, il va faire ce qu'on appelle une production photochimique d'ozone. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'ozone, d'une part, c'est un gaz à effet de serre, donc il influence le climat, d'autre part, c'est un polluant assez marqué. Mais la bonne nouvelle, par contre, puisqu'il augmente dans l'atmosphère, c'est que son augmentation va provoquer des émissions d'iode dont on a besoin de la part d'une source naturelle qu'est l'océan. Alors c'est assez complexe, mais c'est un lien extrêmement intéressant. Et les études dans la glace montrent qu'on a effectivement une très très forte augmentation de la teneur en iode de la glace des Alpes, un facteur 3 environ depuis 1950 jusque dans les années 2000, que c'est relativement compatible avec les efforts de simulation numérique, parce que pour l'instant, on ne pouvait la chiffrer qu'à partir de la simulation numérique. Oui. Et que ça a quand même un impact important. Il faut quand même bien savoir que si vous regardez les derniers rapports de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, elle pointe toujours les pays limitrophes du bassin méditerranéen, en particulier les pays comme l'Italie, la France, l'Espagne et plus à l'est la Turquie, comme des pays où il y a encore des régions à fort déficit en iode. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir les concentrations atmosphériques indirectement par l'action de l'homme sur une source naturelle rétablir des meilleurs apports en iode. Et bien entendu, c'est particulièrement vrai pour les vallées alpines, puisque c'est quand même là, dans les vallées alpines, qu'on a la forme la plus exacerbée, je dirais, du déficit en iode. C'est ce qu'on appelle le crétin des Alpes. Merci beaucoup Michel Legrand, en tout cas pour ces explications. Vous étiez en direct des studios de France Bleu Isère à Grenoble. Merci Axel, à demain. À demain. Long windness, cool. Saying Goodbye. C'était la voix de J.S. Andara à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. C'est une idée largement fausse de penser que la Terre est un objet sphérique qui tourne autour du Soleil. Mais le fait est qu'il est certain que la Terre est un disque circulaire entouré d'une barrière glacée que les explorateurs ont tenté de pénétrer depuis des siècles. Et si la gravité n'était pas réelle? Et si la Terre était plate en fait? Et si la science avait eu tort depuis le début? Tout ce qu'on vous a appris, c'est un mensonge. Voilà, et Alain Riadello justement pour démonter ce mensonge, ou plutôt pour confirmer le mensonge selon les platistes, vous publiez ce livre « Pourquoi la Terre est ronde » aux éditions Humaine Science. Vous êtes notre invité cet après-midi et les auditeurs ont déjà des questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». D'ailleurs, vous racontez dès le début du livre ce basketteur américain qui a justement abondamment évoqué l'idée que la Terre était plate, mais il n'est pas le seul, hein. Il y a des rappeurs. Non, il n'est pas le seul. En fait, vu que c'était quelqu'un de très connu, donc remplacé ce monsieur Kyrie Irving par un de nos 23 champions du monde de football, et vous aurez une idée de la notoriété qu'a acquis son affirmation que la Terre est plate, avec évidemment un lot de réactions consternées aux États-Unis, mais qui tournait plus au niveau de la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de dire quelque chose, même des bêtises, mais les gens sentaient bien que c'était il y avait un petit problème là, c'était pas tellement au niveau de l'éducation ou du cursus qu'il avait pu suivre. Ouais. Est-ce qu'il y a des scientifiques américains qui ont tenté de discuter avec des platistes convaincus? Alors la NASA l'a invité à visiter ses locaux. Oui. le directeur du planétarium de New York, qui est quelqu'un qui fait beaucoup pour la diffusion de la science, qui s'appelle Neil deGrasse Tyson, avait proposé de l'envoyer sur la station spatiale internationale et de ne le faire redescendre que quand il aurait admis qu'il avait tort. Ou ça coûterait cher. Voilà, c'est ça. Ça ferait quand même cher, cher le ticket pour quelqu'un qui qui le mérite peut-être pas autant que d'autres. Ouais, mais il y a une association américaine qui milite depuis très très longtemps, depuis les années 50 maintenant. Même depuis question, avant, depuis le milieu du 19e siècle. Ouais. Donc c'est difficile à comprendre, mais vous savez, au moment où Darwin a sorti la théorie de l'évolution, je ne sais plus qui dans les milieux religieux anglicans avait dit à propos de la théorie de l'évolution: faites que ça ne soit pas vrai, et si ça l'est, faites que ça ne se sache pas. Oui, et donc finalement, voilà, c'est les faits sont ce qu'ils sont. Oui. Et quand les faits ne vous arrangent pas... Alors, au point que, par exemple, des Américains se construisent des fusées dans leur jardin pour aller vérifier que la Terre n'est pas courbée, par exemple, ça existe, ou organisent des voyages, ce sera le cas, je crois, l'année prochaine, pour aller en Antarctique vérifier que la Terre se termine par un bloc de glace. Alors, dans leur version de certains platistes, effectivement, la Terre est plate façon drapeau de l'ONU, donc avec le pôle Nord au centre. Ouais. Et donc, le continent antarctique qui borde la Terre, ce qui explique que les océans ne se vident pas parce qu'il n'y a pas d'eau qui tombe sur le bord. Mais alors, les gens qui vont faire ce voyage, je leur souhaite bonne chance pour déterminer à quel endroit ils sont de leur disque. Ouais. Puisque, a priori, pour le faire, ils devront faire le point en regardant la hauteur des étoiles. C'est ça. Et qui est une technique... qui même à l'état rudimentaire existe depuis au moins 25-30 siècles. Donc je ne sais pas trop comment ils vont faire pour démontrer que ce soit... C'est un peu contradictoire quand même. Exactement. Hein, effectivement. Bon, tout ça c'est le prétexte pour faire de la science. Voilà, et finalement c'est le bon côté des choses à l'arrière du vélo. Hein. Raconter une des plus longues aventures scientifiques de l'histoire, puisque effectivement la question de la forme de la Terre, c'était une question qu'on pouvait résoudre même avec des outils mathématiques très rudimentaires dans l'Antiquité grecque. Et donc, ça a été la première construction d'une représentation objective du monde, en fait. Ouais. Sa masse, son mouvement, sa position dans l'univers, tout ça, c'est le travail de chercheurs, de tous ces noms qu'on retrouve justement dans votre ouvrage. Hein. Voilà, 25 siècles de réflexion avec des périodes... il ne s'est pas forcément passé grand-chose, mais où finalement le savoir s'est construit sur les savoirs antérieurs et qui ont été renforcés par cette construction de plus en plus sophistiquée, à l'inverse de ce que les complotistes disent, où ils disent que finalement tout le savoir repose sur quelques bases très fragiles et que en fait tout ceci pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Ce que dit la science, c'est exactement le contraire. Ouais. Alors aujourd'hui, on a des très beaux clichés de notre planète vue d'ailleurs, évidemment, et c'est le cas de ceux qui sont dans l'ISS, qui voient tous les jour la courbure de la Terre, sauf que les Grecs de l'Antiquité, ils ont fait très fort parce qu'ils ont imaginé justement que la Terre était ronde tout en restant sur le plancher des vaches quand même. Hein. Voilà, alors les navigateurs savaient déjà que les étoiles n'étaient pas les mêmes, les étoiles que l'on voyait n'étaient pas les mêmes à mesure qu'on allait de plus en plus au sud, donc ils se doutaient sans doute que la Terre était incurvée au moins suivant un axe nord-sud. Mais la démonstration la plus élégante, elle est due à Aristote. Aristote fait remarquer que la Lune est probablement éclairée par le Soleil, elle ne génère pas sa propre lumière, elle est éclairée par le Soleil. Pour expliquer les phases de la Lune, il faut que la Lune ne soit pas un disque, mais un objet arrondi. Et ensuite, il dit, le moment de la pleine Lune, c'est le moment où la Terre est à peu près entre la Lune et le Soleil. Et si la Terre passe exactement entre les deux, la Lune ne sera plus éclairée, c'est une éclipse. Et il fait remarquer qu'au moment où la Lune entre dans l'ombre de la Terre, eh bien, on voit le contour de l'ombre de la Terre. Et quelle que soit l'éclipse, quelle que soit l'heure, la date, la hauteur de la Lune au-dessus de l'horizon, quel que soit l'angle donc selon lequel on éclaire la Terre, eh bien la Terre projette une ombre qui est circulaire. Ça, c'est une belle observation. Voilà, une observation que tout le monde peut faire de chez soi. Les navigateurs, il fallait les croire sur parole. Donc il y avait, si on est un peu incrédule de nature, on va pas se satisfaire. Alors que l'éclipse, on peut vérifier soi-même et on va pouvoir le faire dans pas longtemps, puisque dans 2 mois exactement, le 16 juillet au soir, il y aura une éclipse partielle. Donc en tout début de nuit, donc il faut avoir un horizon est bien dégagé. Et le fait que l'éclipse soit partielle n'est pas gênant, au contraire, puisque la Lune va en fait montrer une portion d'ombre contiguë et plus grande en fait que lors d'une éclipse totale où on voit 2 petits bouts au début et à la fin. Ouais. Et alors, du temps d'Aristote, est-ce que l'on sait comment cette idée que la Terre peut être ronde a été accueillie précisément? Est-ce que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, de rejets, ou au contraire l'idée semblait tout à fait acceptable? Pas que je sache, parce que c'était compatible avec les observations des navigateurs et des explorateurs. Là où il y a une discussion sans doute plus animée, c'était de savoir si la Terre était le centre de l'univers ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un épisode qui est assez intéressant, parce qu'on le retrouve à toutes les époques dans l'histoire des sciences. Après avoir démontré de façon limpide que la Terre était ronde, Aristote pense démontrer que la Terre est immobile au centre de l'univers. Et donc évidemment, quand quelqu'un dont vous pouvez constater qu'il est très fort dit quelque chose... On le croit. Voilà, on a moins de regard critique, et donc Aristote a aiguillé sur une mauvaise direction les scientifiques pendant assez plus de 1500 hein. ans, avant que Galilée, entre autres, déjà des savants grecs contemporains quasiment d'Aristote avaient proposé une alternative, mais ils avaient eu moins d'écho, parce que moins connu, parce que moins légitime d'une certaine façon aux yeux de certains sans doute. Alain Riedvelo, cet ouvrage, c'est aussi un livre autour de la démarche scientifique, et c'est ce qu'on voit au travers de ces portraits, de ces grands noms de la science, c'est que finalement il y a des calculs, on observe, on vérifie, on se trompe aussi parfois, on est inexact. Oui, les fausses pistes existent, les petites entorses à l'éthique scientifique aussi. Ou au contraire, on a une intuition géniale pour certains, qui sont très très près des vérités ensuite vérifiées avec les outils modernes. Exactement. Donc ça permet en fait, sur un unique sujet, de montrer plein de facettes différentes de la science, et c'est très, je trouve que c'est très intéressant, et j'espère que les gens auront le même avis. Alors sur la Terre et sa forme ronde, vous dites que la plus ancienne mention remonte à 1500 avant notre ère dans un texte hindou. Oui. C'est ça? Oui. Alors, on sait qu'il y a eu des interactions entre le monde grec, le monde égyptien, le monde indien. On ne sait pas qui a influencé qui. Ouais. Hein, par exemple, le fameux théorème de Thalès qu'on apprend à l'école, Thalès l'a ramené d'Égypte, par exemple. Donc, tant qu'on n'a pas beaucoup de témoignages écrits, c'est difficile de savoir d'où viennent les choses. Mais en tout cas, même si les Grecs ne sont pas les précurseurs, c'est à eux qu'on doit le plus, puisque c'est leurs travaux qui ont ensuite influencé toute la pensée occidentale. Fabrice nous envoie un message sur franceinter.fr. Mais oui, au fait, pourquoi la Terre est-elle ronde et la Terre au carré? Bon, ça c'est un petit clin d'œil pour nous tous. Et puis un autre message qui nous vient de François, qui nous dit: le sort de la Terre est-il lié à celui de la Lune, justement, qui est ronde comme la Terre? Alors, le pourquoi de la Terre est ronde, c'est une question intéressante, parce qu'en fait, on ne se la pose qu'une fois qu'on sait qu'elle est ronde. À aucun moment, je pense, les gens se sont dit « je vais essayer de savoir quelle est la forme de la Terre pour essayer de trouver pourquoi elle sera comme j'aurais trouvé ». Donc, on voit bien que les questions scientifiques se posent toujours dans l'ordre que permettent les découvertes, et qu'il y a des questionnements qui n'ont quasiment pas de sens tant qu'on n'a pas fait certaines découvertes préalables. Et donc Aristote a essayé de trouver, de réfléchir à pourquoi la Terre était ronde. Et il avait en gros trouvé la raison. Il imaginait que la Terre était au centre de l'univers et qu'il y avait quelque chose au centre qui attirait un peu tout. Ouais. Et donc il avait compris que si vous avez une collection d'objets qui sont attirés par un point central, eh bien ils vont s'agencer pour minimiser leur distance à ce centre, ouais. Et que ça va faire quelque chose de rond. La seule erreur qu'avait commis Aristote, c'était de croire que ce centre était indépendant de la Terre, alors que c'est les différents constituants de la Terre qui s'attirent les uns les autres, mais le résultat est le même. La figure d'équilibre, comme on dit, c'est une sphère. Alors, le centre de la Terre est-il lié à celui de la Lune ? Alors, c'est une question difficile. On sait maintenant de façon quasi certaine que la Lune est née suite à un impact titanesque de la proto-Terre avec... Un autre planétoïde qui devait avoir la taille de Mars. Ouais. Donc, c'est un résidu finalement alors. Hein. Voilà, et donc le gros des débris de cette collision est retombé sur Terre et 10% de la masse initiale de ce planétoïde s'est accumulée en quelques jours d'ailleurs. Oui, c'était très vite. Hein. Sous la forme de la Lune et le petit clin d'œil de l'astronomie moderne est que dans un futur très lointain, si la Terre ne se fait pas engloutir par le Soleil, parce que notre Soleil va beaucoup grossir... Dans les milliards d'années qui viennent. Voilà, enfin, à la toute fin de sa vie surtout, le phénomène qui fait que la Lune s'éloigne actuellement de la Terre, qui est l'action des marées, donc la déformation que la Terre imprime sur la Lune et inversement, ce même phénomène va s'inverser et la Lune va lentement mais sûrement spiraler sur la Terre pour s'écraser sur elle dans un autre impact titanesque que personne ne verra puisqu'on sera mort depuis longtemps. Évidemment. Oh oui, bon, cet épisode-là vous le racontez également, voilà. Hein, parce que, enfin cet épisode, ce qui va se passer dans les milliards d'années qui viennent. Michel, Paul disent également la même chose sur franceinter.fr. Nous répétons que la Terre est ronde, c'est le titre de votre livre. Ne serait-elle pas plutôt sphérique ? Oui, absolument. Il vaut mieux dire sphérique, mais... C'était plus facile dans un titre. Hein. Oui, puis on fait l'opposition rond-plat. Pour les platistes, la Terre est quand même ronde si on la voit dessus, puisque c'est un disque. Ouais. Mais dans le langage courant, on assimile rond à sphérique dans ce contexte précis-là. Bon. Courageux, votre invité, de vouloir expliquer aux platistes que la Terre est ronde, dit Marjorie. Cette histoire de Terre plate me semble typique de notre époque de rejet de la science au profit des croyances, y compris les plus rétrogrades. C'est assez triste, dit-elle, car je me demande bien comment nous allons pouvoir surmonter les enjeux écologiques du siècle avec des gens qui préfèrent confier leur futur à un dieu. Alors, je rentrerai pas sur la parenthèse religieuse, mais je peux vous dire que les platistes, que ce soit des religieux ou des complotistes, ils sont aussi contre le réchauffement climatique. Alors, les complotistes, parce que, de même que la NASA dit que la Terre est une sphère, elle dit que le réchauffement climatique existe, donc si elle ment sur l'un des sujets, elle ment sur l'autre. Ouais. Et puis, pour les religieux, eh bien, si Dieu a créé le monde à son image, pourquoi aurait-il permis à l'homme de le détruire ? Donc, ça n'existe pas. Y'a pas de courage sans peur, je serre les dents, je serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, je fais un piano. Le passé vient frapper comme une gauche, je serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano, ouais, va piano. Va piano. va bien. Va piano, c'était Hervé à l'instant. La tête au carré. Sur France Inter. Là, dans ce coin, ça doit être l'Australie. Peut-être, sous ces quelques nuages là-bas. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Et on peut voir sans le moindre doute que la Terre est ronde. Et en tant que géophysicien, je suis assez fier de pouvoir le voir de mes yeux. Voilà, 2017 dans l'ISS, Alain Riazuelo, le regard justement d'un homme qui a la chance de voir la Terre depuis le ciel, à 400 km de distance. Pourquoi la Terre est ronde, donc cet ouvrage que vous publiez chez Humaine Science, avec donc cette collection parrainée par Étienne Klein. Alors, il y a un autre nom important dans cette grande saga, finalement, hein, qui a donné tellement d'informations et d'importance à ces faits, c'est Eratosthène de Cyrène, qui a mis au point une méthode pour déterminer la circonférence terrestre avec une exactitude qui vraiment est stupéfiante. Hein. Oui, alors on ne sait pas si c'est un heureux hasard, ouais. Mais en tout cas, le chiffre qu'il a trouvé, qu'il a annoncé, est vrai et ouais. Est exact à 1% près par rapport aux mesures modernes. C'est pas mal, oui. Ouais. Et donc, ce que Eratosthène a fait, il a compris que c'était pas la peine de faire le tour complet de la Terre, qu'il suffisait par exemple d'aller du pôle Nord au pôle Sud et de multiplier par 2, ou du pôle Nord à l'équateur et multiplier par 4. Oui. Bref, il a identifié deux points dont il a pu déterminer les différences de latitude. En regardant, deux points entre deux villes, c'est voilà, ça hein voilà, donc ouais. En Égypte, entre Alexandrie qui est à l'embouchure du Nil et Assouan qui est ouais. Aujourd'hui à la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Donc ces deux points sont à peu près alignés selon un axe nord-sud. Il a mesuré la différence de latitude entre ces deux points. Il a trouvé 7,2 degrés, là où les mesures modernes donnent 7,12. Donc c'est une erreur de 1%. Il a donc déduit que la distance entre ces deux villes, c'était presque exactement 1/50 de la circonférence terrestre, et qu'il lui suffisait donc de déterminer cette distance, donc aux alentours de 800 km dans nos unités modernes, et qu'une fois qu'il avait cette distance, il multipliait par 50, ouais. Il avait la circonférence. Et on sait qu'il l'a fait, mais petite énigme scientifique, on ne sait pas exactement comment il a fait. Ouais, mais le résultat est très proche de la vérité. Hein. Voilà, le résultat est très proche de la vérité. Alors, c'est toujours impressionnant qu'on se dit comment sur 800 km on peut arriver à faire ça, mais ouais. Il faut garder en tête que, notamment en Égypte, depuis que la civilisation égyptienne existait, donc depuis... à l'époque d'Ératosthène, 1500 ans, les gens avaient l'habitude des crues du Nil qui emportaient un peu tout sur leur passage et qui donc avaient l'habitude de devoir remettre les parcelles à chaque fois. Donc des techniques de mesure, elles existaient. On sait que du temps d'Alexandre le Grand, donc un siècle avant Ératosthène, Alexandre le Grand était accompagné de deux bématistes, c'était le nom que les Grecs donnaient, à ces gens qui comptaient les pas, donc béma en grec ça veut dire pas, donc des gens qui comptaient les pas, et les mesures qui sont données sur le trajet de la conquête d'Alexandre, qui s'étend sur plus de 4000 kilomètres, les mesures données, si on regarde le trajet probable emprunté par son armée entre les différentes villes, qu'il a fondée et qui existe toujours pour certaines, eh bien on trouve pour chacun de ces trajets qui font chacun plusieurs centaines de kilomètres un chiffre qui s'éloigne jamais de plus de 5% de la valeur estimée aujourd'hui. Donc il y avait un savoir-faire qui existait, qui a été perfectionné sur plusieurs siècles. Donc même si on ne sait pas... spontanément, on est un peu démuni à l'idée qu'on ait pu faire ça, on savait le faire. Et d'ailleurs... pour faire une petite parenthèse moderne, tous les gens qui font de la course à pied, maintenant ils ont des monstres qui font à la fois GPS et accéléromètre, donc ils comptent le nombre de pas, et un coureur, même pas spécialement entraîné, constate que même sur 20, 30, 40 kilomètres, il peut avoir une foulée extrêmement régulière. Ouais. Donc, de toute façon, on devine bien qu'il y a des moyens de faire ça, le faire... aussi précisément sur 800 km, ça c'est pas fait en un jour, mais on a réussi à le faire. Oui. C'est aussi toute l'histoire des unités de mesure, hein, cet ouvrage. Hein. Voilà, alors c'est ça. C'est aussi, c'est une saga dans la saga. Hein. Voilà, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que les idées ne meurent pas facilement. C'est-à-dire le raisonnement d'Aristote. Lors d'une éclipse, on voit le contour de l'ombre de la Terre. Ça a perduré. Oui. Par contre, la mesure exacte de la circonférence terrestre. par Ératosthène qui exprime ça en stade égyptien. Que valait un stade égyptien? Ouais. Ben, ça s'est perdu, ce qui a donné lieu à toute une série d'épisodes plus ou moins tragiques, dont un qui s'est bien terminé, c'est la découverte de l'Amérique. Oui. Parce que Christophe Colomb... C'est une erreur de calcul, finalement? Alors, c'est une erreur d'unité, une erreur de conversion d'unité. Christophe Colomb, en lisant les commentateurs d'Ératosthène, a cru que la Terre était beaucoup plus petite qu'elle n'était réellement. Oui. Et il a donc cru qu'il était possible de naviguer d'est en ouest, et donc pour nous de traverser l'océan Atlantique plus l'océan Pacifique pour atteindre le Japon. Oui. Et ben en fait, la distance à parcourir était plus de deux fois plus grande, par bonheur. Il est tombé sur l'Amérique. Il y avait quelque chose entre les deux. Voilà. Exactement, et ça a changé l'histoire du monde. Isaac Newton, autre nom qu'on croise évidemment, quel est son apport dans cette histoire? Alors son apport, ça a été d'édicter les bonnes lois de la gravitation. Ouais. Donc d'expliquer quels sont les mouvements qui régissent les planètes autour du Soleil. Et ce qui est assez amusant, c'est que en même temps que Newton donne la raison physique détaillée pour expliquer qu'un astre est sphérique, il montre qu'il n'est pas tout à fait sphérique, puisque dès qu'il tourne un peu sur lui-même, à cause de la force centrifuge, en fait, il a tendance à s'aplatir légèrement au pôle. Et la mesure de la preuve que la Terre n'est pas tout à fait une sphère, c'est aussi une grande aventure scientifique, oui, qui est presque exclusivement franco-française d'ailleurs, où il y a une expédition qui a été envoyée en Laponie pour vérifier que la courbure de la Terre proche du pôle Nord, oui, enfin proche du cercle polaire en l'occurrence, était moins prononcée qu'à l'équateur, où une autre expédition qui avait été envoyée au Pérou a elle-même, un peu comme Ératosthène, fait une mesure d'un arc de méridien avec une bien plus grande précision. Puisque la précision avec laquelle ça a été mesuré, c'est de l'ordre de 0,01%. Hein, donc, une erreur de, que je dise pas de bêtises, de 10 mètres sur 100 kilomètres. Et donc, les Français sont les gens qui ont aplati la Terre. C'est ça. Alors, pas autant que ce que voudraient les platistes. Au pôle, hein. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, voilà, la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Voilà. Il faut quand même y mettre des nuances. Et puis, c'est la géologie aussi qui fait que... Il y a aussi des aspérités un peu partout, hein. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a bien compris les lois de la gravitation, on s'est rendu compte que la Terre, évidemment, était un objet plus complexe, qui avait une histoire. Hein. Pendant longtemps, la pensée occidentale, c'était le récit biblique, donc une Terre finalement extrêmement jeune. Et puis, peu à peu, les scientifiques ont contesté avec beaucoup de prudence, d'ailleurs, la chronologie biblique qu'on estimait, enfin que Newton lui-même, à laquelle Newton croyait, qu'il avait estimé à environ 6000 ans. Mmh. Le premier à avoir contesté ça, c'était un naturaliste français, c'était Buffon. Et en fait, c'était assez amusant, parce que bon, Buffon, c'est à 160 ans après Galilée, donc l'Église était moins puissante. Mais quand il commence à critiquer les estimations de l'âge de la Terre, la première fois, le premier chiffre qu'il donne, c'est 25 000 ans. Et puis, dès qu'il publie ça, il s'en va dans une résidence un peu à la campagne, de peur des réactions que ça va susciter. Et puis ensuite, il revient sur Paris et il redonne un second chiffre qui est 50 000 ans. Puis, il repart au loin. Puis, il donne 75 000 ans. Et en fait, de son vivant, il n'a jamais osé publier que la Terre avait probablement plusieurs millions d'années. Alors, la démonstration qu'il en a fait, c'est tout simplement il a pris différents boulets de canon qu'il a chauffé à blanc. Il a constaté, ce que tout le monde savait, qu'ils se refroidissaient d'autant plus rapidement qu'ils étaient petits. Mmh. Il s'est dit, pour que la Terre soit quand même en surface relativement froide, c'est que elle a eu un temps de refroidissement extrêmement long, d'où une chronologie qui se compte en millions et même maintenant milliards, sur milliards d'années. Maintenant, c'est 4,567 voilà, quasiment. Pour 4, être 5, tout 6, à fait 7, précis. Ouais. Alfred Wegener, là aussi, c'est un nom intéressant dans l'histoire de la connaissance de la Terre, hein, parce que c'est l'exemple aussi d'une proposition scientifique qui a bien du mal à s'imposer, hein, parce qu'elle vient à l'encontre finalement de l'intuition. Voilà, donc on savait depuis que la Terre avait été cartographiée, donc depuis, disons, je sais pas, le milieu du XVIIe siècle, qu'il y avait une correspondance assez étonnante entre la côte est de l'Amérique du Sud et la côte ouest de l'Afrique. Et donc ça faisait un peu une sorte de puzzle, alors que la géologie avait démontré de façon certaine que la Terre était solide jusqu'à de très grandes profondeurs. Et donc Wegener a dit, écoutez, non seulement il y a cette histoire d'identité des côtes, mais en plus on trouve des fossiles du même type des deux côtés. Donc ces deux régions ont dû être en contact. Donc il y a, voilà, ce qu'on appelle la dérive des continents. Ouais. Et donc pendant longtemps, ça avait l'air d'être tellement absurde comment des masses rocheuses sur plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur pouvaient bouger. Et en fait, Il avait raison, mais comme il n'était pas géologue de formation, et comme sa proposition était plus une intuition qu'une démonstration rigoureuse, ouais. ça fait partie de ces exemples scientifiques, y compris au XXe siècle, qu'on a eu du mal à accepter. Ouais. Voilà, et tout ça, c'est dans cet ouvrage « Pourquoi la Terre est ronde ?» La Terre, qui est un objet extraordinaire, évidemment, à étudier et aussi à raconter. Hein, le calcul de la masse, tout ça, on le retrouve dans votre ouvrage. Et c'est à offrir à tous nos amis platistes, Alain Riedzuelo, pour ceux qui en connaissent. Et même aux non-platistes. Et surtout aux non-platistes, voilà. Même. Probablement, ce sera plus efficace. Et ce livre vient de paraître aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Dans un instant, ce sera la campagne pour les élections européennes. Merci beaucoup, Alain Riedzuelo. La science grand format, en partenariat avec France 5. Perrine Poubeau, bonjour. Bonjour Mathieu. Ce soir, science grand format, 20h50, on revient sur une découverte qui a marqué l'actualité récente de l'archéologie, c'est la mission Scan Pyramids, dans un documentaire de 90 minutes. Khéops, mystérieuse découverte. Oui Mathieu, Khéops, c'est cette majestueuse pyramide construite il y a 4500 ans. Les bâtisseurs de génie à qui on doit cette perfection d'architecture n'ont pas livré tous leurs secrets, d'autant que du pharaon Khéops lui-même, on n'a retrouvé ni sarcophage, ni trésor. Oui, la pyramide n'est pas reste inviolé, hein, avec les pilleurs, les explorateurs qui ont essayé de trouver ces trésors cachés, parfois même au 19e siècle, à coups de dynamite. Oui, alors que la mission Scan Pyramid, justement, explore Khéops sans bouger une seule pierre, avec des méthodes d'investigation non-invasives. Ouais, Scan Pyramid, donc, est multidisciplinaire comme on va le voir. Plusieurs équipes de scientifiques venues de la France, d'Égypte, du Japon et du Québec, tous passionnés, justement, d'égyptologie, mettent en commun leur savoir-faire. Oui, à la modélisation 3D s'ajoute la thermographie infrarouge qui repère les écarts de température entre les différentes parties de la pyramide, mais aussi la muographie qui consiste à capter des particules cosmiques qui trahissent des vides et des pleins qui traversent la matière. La mission n'officialise en fait ses découvertes que lorsque ces trois technologies tombent d'accord. Et au bout d'un an de travail intense, l'équipe a réussi à détecter deux cavités dans la pyramide. Alors l'équipe se rend au Caire pour exposer donc ce premier bilan au ministère des Antiquités et au comité d'égyptologues. Et c'est un moment absolument crucial. On va entendre Mehdi Tayoubi qui est fondateur et co-directeur justement de Scan Pyramids dans cet extrait. Au terme de la réunion, la mission est autorisée à continuer son travail sur la pyramide de Khéops. Mais, mauvaise surprise, les deux découvertes qu'elle a présentées sont qualifiées de simples anomalies. Le docteur Zahi Awas et le comité d'égyptologues ne sont pas convaincus. La question que nous pose Zahi Awas et nous posent les autres égyptologues, c'est mais est-ce que finalement ce vide ne serait pas dû à des sous-densités ou un appareillage de pierres qui serait plus petite que d'autres? Et en fait, il croit pas forcément au vide. Donc on a ce que j'appelle moi l'épisode grosse pierre petite pierre qui prend un petit peu de temps en fait pour avancer et les convaincre en fait que la muographie permet de valider la présence d'un vide, de valider le volume de ce vide. Alors Perrine, malgré le scepticisme du comité, la mission va obtenir l'autorisation de poursuivre ses recherches. Les scientifiques donc vont se redéployer et c'est là qu'ils vont faire la découverte la plus décisive. Oui Mathieu, les experts en muographie détectent une troisième cavité au cœur de la pyramide, un vide énorme d'au moins 400 mètres cubes. Cette découverte est confirmée par les autres technologies mobilisées et elle est publiée donc en novembre 2017. Une découverte majeure donc qui ouvre sur les questions de la fonction du contenu exact de cette immense cavité. On va donc retrouver ce soir dans Science Grand Format cette chronique passionnante de ces découvertes dans Khéops, mystérieuse découverte, un documentaire signé Florence Tran et c'est à 20h50. Merci beaucoup Perrine. Merci Mathieu. À bientôt.